campaña. Minet 13 ans t'étais doubou, j'y acclais toujours, si avait ou m'a parlé. Toujours pour tes conseils grandes, parce que nous avons toujours, c'est pour nous faire attention. J'y mets bouton, j'y mets malin, coûte, coûte tendé, j'y mets bouton, j'y mets malin, coûte, pour m'aller pas arriver où. Mm-hmm.